la tête de la Gorgone. Persée devait le jour à Danaé, qui elle-même était la fille d'un roi. Il était à peine âgé de quelques années quand de méchantes gens les mirent tous les deux dans une boîte et les livrèrent ainsi au flot de la mer. Le vent souffla vivement, poussa la boîte loin du rivage et les vagues capricieuses l'emportèrent en la secouant avec rudesse. Danaé serrait son enfant sur son sein et tremblait à chaque instant de voir engloutir sa frêle embarcation, qui continua cependant à voguer sans couler à fond. Vers la fin du jour, elle flotta si près d'une île qu'elle se trouva prise dans les filets d'un pêcheur et fut déposée sur la plage. L'île s'appelait Sérifus et obéissait aux lois de Polydecte, qui par hasard était frère du pêcheur. Ce dernier, je suis heureux d'avoir à le dire, était à la fois rempli d'honneur et de générosité. Il montra la plus grande bienveillance à Danaé et à son petit garçon, et leur continua ses bontés jusqu'à ce que Persée fût devenu un bel adolescent, plein de force et de courage, et très habile dans le maniement des armes. Malheureusement, le roi Polydecte n'était ni bon ni bienveillant comme son frère le pêcheur, tout au contraire. Aussi résolut-il de charger Persée d'une entreprise périlleuse où il perdrait probablement la vie, ce qui lui permettrait d'exercer contre Danaé quelque cruelle persécution. Il se mit donc à chercher quelle était la chose la plus dangereuse qu'un jeune homme pût entreprendre. À force de méditation, ayant découvert une aventure dont l'issue ne pouvait manquer d'être aussi fatale qu'il le souhaitait, il envoya chercher le jeune Persée. Celui-ci arriva au palais et parut devant le roi qui était assis sur son trône. « Persée, dit Polydecte, en lui souriant malicieusement, voilà que tu es devenu un grand et beau garçon. Ta bonne mère et toi, vous avez reçu de nombreuses marques de ma bienveillance personnelle, ainsi que de la bonté de mon digne frère, le pêcheur. Je suppose que tu ne serais pas fâché de m'en témoigner ta reconnaissance. « Votre majesté n'a qu'à commander, répondit Persée. Je suis prêt à risquer ma vie pour lui en donner la preuve. Eh bien alors, poursuivit le roi avec un sourire de plus en plus malicieux, j'ai une petite expédition à te proposer. Et comme tu es un jeune homme courageux et entreprenant, ce sera pour toi une excellente occasion de te distinguer. Tu sauras que je pense à me marier avec la belle princesse Hippodamie. Il est d'usage dans une telle circonstance de faire à sa fiancée un présent d'une rareté singulière et d'une élégance recherchée. J'ai été d'abord, je l'avoue sans honte, un peu embarrassé pour deviner ce qui pouvait plaire à une princesse d'un goût aussi délicat. Mais je me flatte d'avoir découvert ce matin même l'objet qui m'est nécessaire. « Et puis-je avoir l'honneur d'aider votre majesté à se procurer cet objet ?» s'écria Persée avec empressement. « Tu le peux, si tu es aussi brave que je le crois, » répliqua le roi Polydecte en prenant un air des plus gracieux. Le présent que je tiens à offrir à la belle Hippodamie, c'est la tête de la Gorgone, Méduse, avec sa chevelure de serpent. Je compte sur toi, mon cher Persée, pour me la procurer. Et comme je brûle de terminer avec la princesse, plus tôt tu iras à la recherche de la Gorgone, et plus je serai satisfait. « Je partirai dès demain matin, » répondit le jeune homme. « Je t'en prie, n'y manque pas, mon brave ami. » Surtout, fais attention en tranchant la tête à exécuter la chose avec dextérité, afin de ne rien changer à sa physionomie. Tu la porteras ici dans un état parfait de conservation, et je ne doute pas que cela ne plaise à ma charmante princesse, quelque difficile qu'elle puisse être. » À peine Persée eut-il quitté le palais, que Polydecte se mit à rire aux éclats, ravi, en méchant roi qu'il était, d'avoir tendu si facilement un bon piège à l'imprudent jeune homme. La nouvelle se répandit bien vite au dehors que Persée avait entrepris de trancher la tête de Méduse aux cheveux de serpent. Tout le monde fut dans la joie, car la plupart des habitants de l'île n'étaient pas meilleurs que le monarque lui-même, et se faisait une fête de voir arriver quelque horrible malheur au fils de Danaé. Peut-être n'y avait-il d'honnête homme dans tout le pays que le bon pêcheur, frère du méchant Polydecte. Lorsque Persée se mit en route, le peuple le montrait du doigt en faisant des grimaces. Chacun clignait de l'œil d'une manière significative et le tournait en ridicule. « Ah ah ! Criait-on, les serpents de Méduse vont joliment le mordre !» Il faut vous dire qu'il y avait à cette époque trois gorgones. C'étaient les monstres les plus étranges et les plus terribles qu'on eût vus depuis que le monde existait, et probablement on n'en verra jamais d'aussi affreux dans l'avenir. Je ne sais réellement pas quelle place donner à ces affreuses créatures et si elles appartiennent à la terre ou à l'enfer. C'étaient trois sœurs qui semblaient avoir quelque ressemblance avec les femmes. Pourtant, elles appartenaient bien positivement à la plus horrible espèce de dragon et à la plus dangereuse. Il serait difficile d'imaginer quel aspect hideux présentaient ces trois monstres. Au lieu de chevaux, croirez-vous que les gorgones avaient sur la tête une centaine de reptiles, se tordant, se repliant, s'entrelaçant et allongeant des langues venimeuses armées d'un double dard. Leurs dents étaient des défenses d'une longueur effrayante. Leurs mains étaient d'airain, leur corps était couvert d'écailles au moins aussi dures et aussi impénétrables que le fer. En outre, elles avaient des ailes, et de splendides, je vous en réponds, car chaque plume était de l'or le plus pur. Aussi, quand elles prenaient leur vol au soleil, on en restait ébloui. Mais ceux qui, par hasard, devenaient témoins de leur éclatante apparition dans les airs, ne s'arrêtaient pas à les contempler. Ils s'enfuyaient à toutes jambes de peur d'être piqués par les serpents, d'avoir la tête broyée par les horribles mâchoires des gorgones, ou d'être mis en pièces par leurs griffes d'airain. À coup sûr, c'était là de grands dangers, mais non pas les plus difficiles à éviter. Ce qu'il y avait de plus redoutable dans l'apparition des gorgones, c'est l'effet que produisait leur aspect horrible sur les mortels, car il suffisait à un homme de fixer ses regards sur l'une d'elles pour être immédiatement changé en statue de pierre. C'était donc une aventure bien périlleuse qu'avait imaginée le roi Polydecte pour perdre l'innocent jeune homme. Persée lui-même, quand il y eut réfléchi, pensa qu'il avait fort peu de chances de réussir, que probablement il serait transformé en bloc de pierre lorsqu'il s'approcherait de Méduse, et que par conséquent il ne pourrait pas rapporter la tête de la gorgone. Sans parler des autres difficultés, il en existait une qui aurait embarrassé un homme plus expérimenté que lui. Non seulement il lui fallait combattre et tuer ce monstre aux ailes d'or, aux écailles de fer, aux dents énormes, aux griffes de bronze et à la chevelure de serpent, mais il fallait y parvenir en ayant les yeux fermés, car en moins d'un clin d'œil, son bras levé pour frapper se serait pétrifié comme tout le reste de son corps et aurait conservé cette position pendant des siècles, jusqu'à ce que le temps l'eût réduit en poussière. C'était une bien sombre perspective pour un jeune homme ambitieux d'accomplir un grand nombre d'exploits et qui se croyait destiné à jouir de tant de bonheur dans ce monde si brillant et si beau. Ces réflexions jetaient une telle tristesse dans le cœur de Persée qu'il ne put se décider à dire à sa mère ce qu'il allait entreprendre. Après s'être armé de son bouclier et de son glaive, il traversa le détroit qui séparait l'île de la terre ferme. Arrivé là, il s'assit dans un lieu solitaire et ne parvint pas à retenir ses larmes. Mais tandis qu'il s'abandonnait à son chagrin, il entendit derrière lui une voix qui disait « Persée, pourquoi es-tu si triste ?» Il leva la tête, fort surpris de ce qu'il venait d'entendre, car il se croyait seul, et vit un étranger à l'œil vif, intelligent et remarquablement rusé, qui avait un manteau flottant sur les épaules, un chapeau bizarre sur la tête, à la main un petit bâton contourné d'une singulière façon, et un glaive très court et fort recourbé au côté. Il paraissait excessivement actif et léger dans sa démarche, comme une personne accoutumée aux exercices gymnastiques et habile à sauter ou à courir. Il avait en outre un air si gai, si fin et si complaisant, bien qu'un peu malicieux, que Persée n'éprouva pas la moindre gêne en le regardant. Seulement, comme il était vraiment intrépide de sa nature, il se sentit confus d'avoir été surpris versant des larmes comme un timide écolier, quand après tout il pouvait bien ne pas y avoir à se désespérer. Il essuya donc ses yeux et répondit de l'air le plus dégagé qu'il lui fut possible de prendre. « Je ne suis pas triste, mais je rêve à une aventure que je veux tenter. »« Dis-moi ce que c'est, » reprit le nouveau venu, « et lorsque tu m'auras mis au courant de ce que tu veux faire, je te serai peut-être de quelque utilité. » J'ai tiré d'embarras beaucoup de jeunes gens, dans des circonstances que l'on avait, de prime abord, jugées très difficiles. « Tu n'es pas sans avoir entendu parler de moi. Je suis connu sous plus d'un nom, mais celui de Vif Argent me convient aussi bien que tout autre. Dis-moi quelle est ta peine ?» Nous en causerons et nous verrons ensuite ce que nous avons à faire. » Ces paroles bienveillantes ranimèrent aussitôt l'espérance du jeune homme. Il résolut de confier à Vif Argent toutes ses perplexités. Elles ne s'en augmenteraient pas et il se pouvait que son nouvel ami lui donnât quelques conseils dont il eut à se féliciter plus tard. Il lui conta donc, en peu de mots, comment le roi Polydecte avait besoin de la tête de Méduse pour l'offrir en cadeau de noces à la princesse Hippodamie. Comment il s'était engagé à la lui procurer, mais qu'il avait peur d'être changé en pierre avant d'y parvenir. « Et ce serait grand dommage, » répondit Vif Argent avec un sourire plein de malice. « Tu ferais, il est vrai, une belle statue de marbre, et tu resterais ainsi bien longtemps avant de tomber en poussière. Mais on aime encore mieux être un jeune homme pendant quelques années qu'un bloc de pierre pendant des siècles. Mille fois, s'écria Percé, les yeux encore humides. Et puis, que deviendrait ma bonne mère si son fils bien-aimé subissait une telle métamorphose? Eh bien, espérons que l'entreprise n'aura pas de résultats aussi fâcheux, répliqua l'étranger d'un ton encourageant. Si quelqu'un a le pouvoir de t'aider dans cette conjoncture, c'est moi. Ma sœur joindra ses bons services aux miens, et tu pourras triompher, quelque peu nombreuses que te paraissent aujourd'hui les chances de succès. Votre sœur, répéta Percé. Ma sœur, comme je le disais, c'est une personne pleine de sagesse. Quant à moi, je ne suis jamais à court d'expédients. Si tu as du courage et de la prudence, et que tu veuilles suivre ponctuellement nos conseils, tu n'as pas à craindre un seul instant d'être pétrifié par la gorgone. Commence d'abord par rendre ton bouclier assez brillant et assez poli pour que tu puisses t'y voir aussi distinctement que dans un miroir. Ce début surprit notablement le fils de Danaé, car il croyait beaucoup plus important d'avoir un bouclier assez fort pour le protéger contre les griffes d'airain de la gorgone que de pouvoir s'y mirer. Néanmoins, persuadé que Vif-Argent en savait plus long que lui, il se mit immédiatement à l'œuvre et frotta son bouclier avec tant de cœur et d'activité qu'avant peu il devint aussi brillant que la pleine lune à l'époque de la moisson. Vif-Argent regarda ce travail avec un sourire et fit un signe d'approbation. Ensuite, détachant son petit glaive courbé, il enseignit Percé qui se débarrassa du sien. « Aucune autre arme que la mienne ne peut te convenir pour le but que tu te proposes, » lui dit-il. « La lame en est d'une trempe supérieure, et tu pourras couper le fer et le bronze aussi facilement que le plus tendre rameau. Maintenant, nous allons partir. » La première chose à faire est de trouver les trois vieilles femmes aux cheveux gris qui nous diront où l'on peut découvrir les nymphes. Les trois femmes aux cheveux gris, s'écria Percé, à qui cela parut une nouvelle difficulté à surmonter. Dites-moi, je vous prie, quelles peuvent être ces trois femmes dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie? Ce sont de vieilles femmes, fort étranges, dit en riant Vif-Argent. Elles n'ont qu'un œil et qu'une dent pour elles trois. C'est en outre à la clarté des étoiles ou à la tombée de la nuit qu'il faut les aborder, car elles ne se montrent jamais en plein jour, ni même au clair de lune. « Mais pourquoi perdre mon temps à la recherche de ces trois vieilles femmes ?» demanda Percé. « Ne vaudrait-il pas mieux se mettre tout de suite en quête des terribles gorgones ?»« Non, pas du tout. Il y a bien d'autres choses à accomplir avant d'arriver à ces dernières. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de découvrir les trois vieilles. » Et quand nous les aurons rencontrés, tu peux être bien sûr que les gorgones ne seront pas loin. Allons, mettons-nous en marche. » Après ces paroles, notre héros se sentit tant de confiance dans la sagacité de son conseiller qu'il ne fit plus d'objection et se déclara prêt à commencer immédiatement son entreprise. Ils se décidèrent donc à partir et cheminèrent d'un si bon pas que Percé trouva assez difficile de suivre son agile compagnon. Pour parler net, il lui vint l'idée singulière que ce dernier était pourvu de souliers ailés qui devaient, cela va sans dire, l'aider merveilleusement. Et puis, quand Percé le regardait du coin de l'œil, il lui semblait qu'il avait aussi des ailes de chaque côté de la tête. Mais dès qu'il le regardait en face, il ne voyait plus rien qu'un chapeau d'une forme curieuse. Quant au bâton dont nous avons parlé, il était assurément d'une grande utilité à Vif-Argent et lui communiquait une telle vitesse que Percé, tout remarquable qu'il fût pour son agilité, commençait à perdre haleine. « Tiens !» lui dit enfin son compagnon, se doutant bien de la peine que Percé avait à le suivre. « Prends ce bâton, dont tu as bien plus besoin que moi. N'y a-t-il pas de meilleur marcheur que toi dans l'île de Sériphus ?»« Je marcherai tout aussi vite qu'un autre, » dit Percé, en lançant un coup d'œil malin au pied de son conducteur, « si j'avais seulement une paire de sandales qui eussent des ailes. Je vais essayer de t'en procurer, » répondit Vif-Argent. Cependant, le bâton était d'une telle assistance à Percé qu'il ne sentit plus la moindre fatigue. En effet, ce bâton s'était animé dans sa main et lui avait transmis une portion de la vie qu'il venait de recevoir. Dès ce moment, les deux voyageurs continuèrent leur route en causant avec la plus grande familiarité. Vif-Argent, surtout, racontait un si grand nombre d'aventures extraordinaires qui lui étaient arrivées et dans lesquelles son esprit inventif l'avait toujours tiré d'embarras, que Percé commença à le regarder comme un personnage tout à fait merveilleux. Il avait évidemment une grande expérience du monde, et rien n'est plus utile à un jeune homme qu'un ami possédant à fond les connaissances nécessaires à la pratique de la vie. Aussi Persée écoutait-il avec une grande attention tout ce que disait son guide dans l'espérance d'enrichir son esprit de tout ce qu'il entendait. À la fin, il se rappela que Vif-Argent avait parlé d'une sœur qui devait apporter son concours dans l'entreprise qu'il poursuivait. « Où est-elle » demanda-t-il. « Est-ce que nous la verrons bientôt ?»« Chaque chose a son temps. Cette sœur dont je te parlais, il faut bien que tu le saches, est d'un caractère tout différent du mien. C'est une personne grave et prudente, qui ne sourit jamais, qui rit encore moins, et s'est fait une règle de ne point ouvrir la bouche sans avoir à dire quelque chose de profond. Elle ne prête non plus l'oreille qu'aux paroles empreintes d'une véritable sagesse. « Mon Dieu !» s'écria Persée, « je n'oserais jamais prononcer une syllabe en sa présence. » « C'est une personne accomplie, » continua Vif-Argent. « Elle connaît tous les arts et possède toutes les sciences. En un mot, elle est tellement parfaite que bien des gens l'appellent la sagesse. Mais il faut te l'avouer, sa gravité et ma pétulance ne s'accordent pas beaucoup, et je crois qu'en voyage sa compagnie te serait moins agréable que la mienne. Elle a cependant des traits d'esprit assez lumineux. Du reste, tu devras mettre ses conseils à profit lors de ta rencontre avec les Gorgones. » Pendant qu'ils causaient ainsi, le jour commençait à s'assombrir. Ils étaient parvenus à un endroit désert et sauvage, encombré de buissons et de broussailles, si calme et si solitaire qu'il semblait n'avoir jamais été exploré par personne. Tout dans ce lieu inculte prenait un aspect désolé, à la faible lueur d'un crépuscule qui devenait de plus en plus obscur, et Persée, regardant autour de lui d'un air un peu décontenancé, demanda à Vif-Argent s'ils avaient encore loin à aller. « Chut, ne fais pas de bruit, » répondit celui-ci. « Voici justement l'heure et l'endroit où nous pouvons rencontrer les trois femmes, aux cheveux gris. Prends garde qu'elles ne t'aperçoivent avant que tu les aies vues toi-même, car bien qu'elles n'aient qu'un seul œil pour elles trois, il est doué d'une vue aussi perçante que trois paires d'yeux ordinaires. « Comment ferai-je pour ne pas me laisser voir lorsqu'elles vont arriver ?» demanda Persée. Vif-Argent expliqua comment s'y prenaient ces vieilles femmes avec le seul œil qu'elles avaient pour elles trois. Elles en faisaient usage, à ce qu'il paraît, chacune à leur tour, comme d'une paire de lunettes, ou pour mieux dire, comme d'un simple lorgnon. Quand l'une des trois sœurs avait gardé l'œil pendant un certain temps, elle le sortait de son orbite et le cédait à celle des deux autres, dont le tour était arrivé, et qui se l'appliquait immédiatement au front pour jouir un instant du spectacle de la nature. De cette manière, il est facile de comprendre qu'une seule des trois femmes possédait le sens de la vue, pendant que ces deux sœurs étaient aveugles. En outre, au moment où l'œil passait d'une main dans l'autre, aucune de ces pauvres vieilles ne percevait la lumière. J'ai entendu parler de choses bien étranges, mais aucune, suivant moi, n'est comparable à la bizarrerie que présentent ces trois vieilles femmes, n'ayant qu'un seul œil à leur service. Telle était aussi l'opinion de Persée, dont l'étonnement ne faisait que grandir. Il n'était pas loin de croire que son compagnon de voyage se moquait de lui et que de pareilles créatures n'avaient jamais existé. « Tu verras bientôt si je t'ai trompé, » dit Vif-Argent. « Écoute plutôt. Chut, les voilà !» Persée regarda de tous ses yeux dans l'ombre et finit par entrevoir, de manière à ne plus en douter, les trois vieilles femmes à peu de distance de l'endroit où il était. Il faisait si noir qu'il eut de la peine à distinguer leur visage. Il remarqua seulement de longues chevelures grises. Et comme elles s'avançaient toujours, il s'assura que deux d'entre elles avaient au milieu du front un trou qui était vide. Mais la troisième sœur avait son orbite pourvue d'un œil grand ouvert, qui étincelait comme un gros diamant à une bague. Cet œil lui parut si pénétrant qu'il lui supposa la faculté de voir dans les ténèbres les plus profondes tout aussi distinctement qu'en plein midi. La vue des trois sœurs était concentrée dans cet organe unique. Cependant, les trois vieilles cheminaient à leur aise, comme si elles y avaient vu toutes les trois à la fois. Celle qui possédait l'œil en ce moment conduisait les deux autres par la main, jetant sans cesse autour d'elle des regards si attentifs que Persée tremblait qu'elle ne vînt à le découvrir à travers l'épais et sombre buisson derrière lequel Vif-Argent et lui s'étaient blottis. Par ma foi, c'était vraiment terrible de se trouver à la portée d'un œil aussi perçant. Avant d'arriver au plus épais des broussailles, l'une des trois femmes prit la parole. « Sœur infernale, » s'écria-t-elle, « n'y a-t-il pas assez longtemps que vous avez l'œil ? À mon tour, s'il vous plaît. » « Encore un petit moment, satanite, » répondit infernale. J'ai cru entrevoir quelque chose derrière un buisson épais qui n'est pas bien loin de nous. « Quand ça serait ?» riposta Satanite en grognant. « Ne verrai-je pas dans les broussailles aussi clairement qu'une autre ? Cet œil est à moi comme à vous, et je sais la manière de m'en servir aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Donnez-le-moi, vous dis-je, que je regarde tout de suite le buisson dont vous parlez. » Mais la troisième sœur, nommée Branlante, commença à se plaindre, prétendant que c'était son tour d'avoir l'œil, et qu'Infernal et Satanite voulaient en jouir à elles seules. Pour terminer la querelle, Infernal retira l'œil de son front et le présenta aux deux autres. « Allons, pas de dispute, le voilà, prenez-le, » dit-elle. « Pour ma part, je ne suis pas fâchée de rester un peu dans l'obscurité. Prenez-le donc vite, ou je le garde, et me le remets au front. » Satanite et Branlante avancèrent leurs mains pour recevoir l'œil que tenait toujours leur sœur. Mais comme elles étaient aveugles, il leur devenait très difficile de l'atteindre sans hésiter, car elles ne percevaient aucun des rayons qui s'échappaient de cet œil brillant, et demeuraient toutes les trois dans la nuit la plus profonde où les retenait leur trop vive impatience de voir. Vif-Argent s'était fort amusé du spectacle de Satanite et de Branlante, s'empressant toutes les deux de chercher l'œil à tâtons, et de leur désappointement de ne pas rencontrer la main de leur sœur. Il eut grand-peine à s'empêcher d'éclater de rire. « Voilà le bon moment pour toi » souffla-t-il à l'oreille de Percé. « Vite, vite, et lance-toi sur Infernal, et arrache-lui son œil de la main, avant que l'une des deux autres ait pu le mettre à son front. » Et tandis que les trois vieilles femmes aux cheveux gris continuaient à se quereller, Percé franchit d'un seul bond le fourré de broussailles et accomplit sa conquête. L'œil merveilleux, une fois dans sa main, jeta des flammes et le regarda en face d'un air d'intelligence, comme s'il eût compris sa pensée. Les vieilles femmes ne savaient rien de ce qui venait d'arriver, et chacune d'elles, supposant qu'une de ses sœurs était en possession de l'œil, elles recommencèrent leur dispute. À la fin, comme Percé ne voulait pas mettre ses respectables matrones dans un plus grand embarras qu'il n'était nécessaire, il crut devoir leur expliquer ce dont il s'agissait. « Mes bonnes dames, leur dit-il, je vous en prie, ne vous fâchez plus. C'est moi qui ai l'honneur de tenir dans ma main votre œil d'un éclat si vif et si magnifique. » « Notre œil ? Et qui êtes-vous ? » répliquèrent les trois sœurs en faisant retentir l'air d'un cri déchirant. Elles furent en effet terriblement effrayées, cela se comprend, en entendant une voix étrangère et en apprenant que leur œil était entre les mains d'un inconnu. « Et qu'allons-nous devenir ? » s'écrièrent-elles. « Nous sommes plongés dans d'horribles ténèbres. Rendez-nous notre œil, notre seule, notre précieuse, notre unique lumière. » « Promets-leur, » murmura Vif-Argent à Percé, que tu le leur rendras aussitôt qu'elles t'auront indiqué la demeure des nymphes dépositaires, des sandales volantes, de la besace magique et du casque d'invisibilité. « Mes chères, mes bonnes et aimables dames, » dit alors Percé en s'adressant aux trois vieilles, « ne vous alarmez pas, je ne suis point du tout un méchant homme. Vous rentrerez en possession de votre œil que je vous rendrai intact et dans tout son éclat, du moment où vous m'aurez enseigné la retraite des nymphes. « Les nymphes, grand Dieu, et de quelles nymphes veut-il nous parler, mes sœurs ? » dit Satanite. « Il y a toutes sortes de nymphes, à ce qu'on assure. Les unes se livrent à la chasse dans les bois, les autres habitent au milieu du feuillage, ou bien ont un séjour tranquille aux sources des rivières. Nous ne savons rien des nymphes. Nous sommes trois malheureuses vieilles femmes qui s'en vont, errant dans l'ombre, n'ayant jamais eu qu'un œil à elles trois. Et cet œil, c'est vous qui nous en avez privés. Rendez-le-nous, bon étranger. » « Qui que vous soyez, rendez-le-nous » Pendant tout ce temps-là, les trois vieilles femmes aux cheveux gris cherchaient à tâtons et allongeaient leurs bras, faisant tous leurs efforts pour se saisir de Percé. Mais il eut le plus grand soin de rester à l'abri de leur atteinte. « Mes respectables dames » répéta-t-il, car il devait à sa mère les façons les plus polies. « Je tiens toujours votre cher trésor, et je le garderai jusqu'à ce que vous me disiez où je peux trouver les nymphes. Je veux parler de celle qui dispose de la besace enchantée, des sandales volantes, et du casque de l'invisibilité. Miséricorde, mes pauvres sœurs, de quoi parle donc ce jeune homme ? S'écrièrent les trois vieilles en s'interrogeant d'un air étonné. Une paire de sandales volantes, dit-il, mais ses talons voleraient bien vite plus haut que sa tête s'il était assez fou pour se les attacher. Un casque d'invisibilité ? Comment un casque pourrait-il le rendre invisible, à moins d'être suffisamment grand pour le cacher tout entier ? Et une besace enchantée ? Je vous le demande, quelles inventions ne va-t-on pas imaginer ? Non, non, vous vous trompez, mon bon jeune homme. Nous ne pouvons rien vous dire relativement à ces choses merveilleuses. Vous avez vos deux yeux. Vous possédez le moyen de découvrir les prodiges dont vous parlez, beaucoup mieux que trois pauvres créatures comme nous, qui sommes vieilles et aveugles. » En les entendant parler ainsi, le jeune homme commençait à croire que les femmes aux cheveux gris ne savaient rien de cette affaire. Et comme il lui en coûtait de les avoir mises dans une telle inquiétude, il était sur le point de leur restituer leur œil et de leur offrir ses excuses pour la grossièreté qu'il avait commise à leur égard. Mais Vif-Argent lui arrêta la main. « Ne sois pas leur dupe, lui dit-il. Ces trois femmes sont les seules personnes au monde qui puissent indiquer le séjour des nymphes. Et à moins d'obtenir ce renseignement, tu ne réussiras jamais à trancher la tête de Méduse. Tiens bien l'œil, et tout ira selon tes souhaits. » Vif-Argent avait raison. Il y a peu de choses qu'on estime autant que la vue. Et l'œil unique des vieilles femmes aux cheveux gris avait pour elles autant de valeur qu'une demi-douzaine d'yeux, nombre qui aurait dû leur échoir naturellement. Comprenant qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'en recouvrer la propriété, elles finirent par dévoiler à Percé le secret qu'il désirait connaître. Elles n'eurent pas plutôt satisfait à sa demande qu'il replaça lui-même, avec le plus grand respect, l'œil à sa place qu'il devait occuper au front de l'une d'elles, les remercia de leur complaisance et leur dit adieu. À peine étaient-elles assez loin pour ne pas être entendues qu'elles recommencèrent la discussion parce qu'Infernal avait déjà joui de son tour au moment de leur rencontre avec Percé. Il est à craindre que les trois femmes aux cheveux gris ne fussent habituées à voir leur bonne harmonie souvent troublée par des disputes de cette nature. C'était d'autant plus triste qu'elles ne pouvaient guère se passer les unes des autres et qu'évidemment elles étaient destinées à vivre inséparables. Règle générale, je conseille à ceux qui, vieux ou jeunes, amis ou frères, n'ont par hasard qu'un œil à leur disposition, de se montrer une patience réciproque et de ne pas exiger tous à la fois de l'avoir à leur disposition. Tandis que les trois vieilles continuaient à se quereller, Vif-Argent et Percé cheminaient aussi vite que possible afin de se rendre auprès des fameuses nymphes. Les vieilles dames leur avaient donné des renseignements si exacts et si détaillés qu'ils ne furent pas longtemps sans découvrir la demeure de celle qu'ils cherchaient.